Technique Canvi, premier exercice, le pousser. Cet exercice est facile à pratiquer, facile à maîtriser. Il est cependant très important. C'est cet exercice qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'énergie vitale, de le découvrir, de l'apprivoiser un peu. Tout au long de l'exercice, on doit se rappeler que l'on doit respirer par le nez, inspiration et expiration, toujours par le nez. Quand vous pourrez manger par le nez, alors vous pourrez respirer par la bouche. Debout, les pieds légèrement écartés, à peu près la largeur des épaules, on relaxe le corps. Étant donné que l'énergie vitale circule toujours mieux dans des articulations légèrement pliées, on plie légèrement les genoux. On laisse tomber les épaules, on plie légèrement la tête vers l'avant, on relaxe les muscles du corps. Vérifiez bien à ce que les muscles fessiers, les muscles des fesses, soient relaxés. On laisse pendre les bras, on les secoue légèrement de façon à bien relaxer les muscles. Et maintenant, on prend 3 respirations, 2, 8, 4, 4, en 2 volets. Bien relaxé, on y va. Lentement, en gardant les poignets totalement souples, on lève progressivement les avant-bras, donc ça plie au niveau des coudes. On ne pousse pas les bras totalement droits vers l'avant, on lève uniquement les avant-bras vers le haut. Comme les poignets sont relaxés, les doigts pointent vers le sol. On fait l'exercice une fois. On lève doucement les avant-bras, les poignets restent totalement détendus, les mains pendent au bout des avant-bras. Alors on lève les avant-bras jusqu'à ce que les poignets, les mains arrivent à la hauteur des épaules. Et on les redescend. On recommence, laissez faire la respiration pour l'instant. On relève les avant-bras, les mains doivent bien pendre au bout. On redescend. On relève les avant-bras jusqu'à la hauteur des épaules. On redescend. Il est important de bien conserver une conscience du corps. Les muscles qui ne travaillent pas doivent être relaxés. Les genoux restent légèrement pliés. On recommence, on lève les avant-bras. Et quand les poignets arrivent à la hauteur des épaules, doucement, on redresse les mains vers le haut en gardant toujours les paumes bien relaxées. Donc, il y a une espèce de creux capable de tenir une balle. On laisse la main relaxée et les doigts pointent vers le ciel. Quand cela est fait, on redescend lentement les mains et les avant-bras vers le bas. À chaque fois, les mains doivent revenir à la position de départ, c'est-à-dire totalement relaxées, les épaules détendues, les bras le long du corps. On relève doucement. Les poignets totalement relaxés, les mains pendent. Lorsque les poignets sont à la hauteur des épaules, doucement, on redresse les mains. Les doigts pointent vers le haut. Et maintenant, comme si on tenait un ballon de plage, on le descend, on le pousse lentement vers le bas. Chaque fois, les bras reprennent la position de départ, complètement relaxés. On reprend l'exercice dans son ensemble. On vérifie toujours à ce que les articulations soient légèrement pliées, les muscles relaxés. En inspirant, lentement, on lève les bras, les mains pendantes. À la hauteur des épaules, lentement, les poignets montent vers le haut, les doigts pointent vers le plafond. Et on descend en expirant, en poussant un ballon vers le bas. Tout au long de l'exercice, il est important de sentir le corps bouger. On reprend. La respiration doit toujours être consciente. On inspire et on lève les bras. On redresse les deux mains et on pousse le ballon en expirant. On recommence quelques fois. On fait toujours attention à garder les articulations pliées, décontractées, respiration consciente. On doit sentir la pression du ballon dans la paume des mains. C'est de l'énergie vitale. L'illusion du ballon nous aide simplement à détecter une pression dans le corps vital au niveau des mains. Plus on peut sentir le corps bouger, plus facilement on va détecter l'énergie vitale qui entoure ce corps. Certaines personnes pourront sentir une chaleur les envahir, des picotements dans les extrémités, un léger frisson. Tout cela est une perception d'énergie vitale. On reprend l'exercice. Je rappelle que plus l'exercice est fait lentement, mieux il est fait. On reprend une autre fois. En inspirant, on lève les avant-bras, les mains pendantes. Doucement, on pointe les doigts vers le haut et on pousse le ballon en expirant. Les mains reviennent à la position de départ, complètement relaxées. On recommence. On doit pratiquer cet exercice tant et aussi longtemps qu'on ne sent pas convenablement la pression du ballon.